c'est bon trace pour glisser nous dans l'amour. Faut vous démontrer qu'elle est mes jour après jour. Tandis que fait qu'elle est pérée sans vous. Ça c'est en concert et elle nous dit pas vous. Pas vous, pas vous, pas vous, pas vous, pas vous. Que me dé que me dé.